سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني وإياكم منها. Aujourd'hui, on va parler. Je vais préparer un verbe sur trois points essentiels. Sur le comportement qu'on doit avoir avec les gouvernants, le comportement qu'on doit avoir avec les gens, et je vais préciser, et le comportement qu'on doit avoir avec ceux qui disent que celui qui ne gouverne pas avec le Coran s'inquiète. Mais je l'ai préparé sur une feuille, c'est un résumé du résumé. Parce que si je commence à parler de ça, ça va prendre du temps. Je vous ai dit, Inch'Allah, qu'après le mois du Ramadan, bi'idhnillah, on va essayer de faire un cours le mercredi ou le jeudi soir, je ne sais pas encore. J'avais pensé sur l'aqida. Et puis j'ai pensé sur le hadith. Tout ça, on dit non, c'est fini sur l'aqida parce qu'il n'y a pas beaucoup de discours qui se font sur l'aqida. J'ai dit d'accord. Quand j'ai préparé ce cours-là, je me suis dit non, Inch'Allah, bi'idhnillah, mais c'est pas encore sûr. Mais je vais quand même. 80%, il y a des chances que ça soit sûr. Ce serait, je vais sûrement traduire le livre de Cheikh Al-Albani, Fitnat al-Taksir. Tous, chaque semaine, un petit peu, chaque semaine, une fois, jusqu'à qu'on termine le livre de Fitnat al-Taksir. La fitna de ceux qui. Ils rendent les créants tout de suite à chaque tournant brûlé, tac, Adam les créants, Adam les créants. Il y a des conditions à respecter. Si on ne respecte pas ces conditions, c'est grave. Donc, Inch'Allah, là, ce que j'ai fait vraiment un petit résumé pour quand même avoir une petite idée, déjà. Parce qu'on ne sait jamais. Le temps, il n'est pas en notre faveur. Et il est plus tard qu'on ne croit. Il ne faut pas dire, ouais, j'ai le temps. Il est plus tard que tu crois. Alors, j'ai préparé ça pour que les frères qui soient ici, ils écoutent. Et quand ils sortent du film, Inch'Allah, bismillah, ils auront déjà une vision des choses plus claires. Et pour que. Si jamais la mort arrive, on est comme ça dans le 14, si la mort arrive, au moins dans sa tête, il aura nettoyé certaines choses. Parce que celui qui meurt avec des idées pareilles, et qui croit qu'il est dans le bon chemin, il se retrouve devant Allah, et il a dit un tel kafir, un tel kafir, un tel kafir, alors que lui, il ne l'est pas, c'est très très grave devant Allah. Donc au moins, on a des idées, que ce soit un peu clair. Inch'Allah. Donc on a dit, mu'amalat al-hukam. وَلِمَنْ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْكَافِرُ فِي دُوءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Par rapport à la lumière du Coran et de la Sunna toujours, éventuellement, à la fermi salaf salaf, comme les plus prédécesseurs l'ont compris. On a dit donc, هذا درس وجيز. C'est un درس, comme je vous ai dit, c'est un résumé, c'est pas vraiment un درس qui va prendre beaucoup beaucoup de temps. مَبْنِيٌ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَةِ, qui est construit par rapport au Coran et à la Sunna. مؤيد بالآثار السلفية, qui est prouvé par la compréhension et les traces des titres des prédécesseurs. يشرح شيئا مما ينبغي أن يعرفه المسلم. Ce petit dossier-là que je vous ai préparé, ça va nous expliquer, ça va nous éclaircir ce que tout musulman doit connaître ou doit savoir obligatoirement عن أحكام معاملة ولاة أمر المسلمين, par rapport à ce qu'il doit savoir concernant les gouvernants. Puis qu'on les amène, on a qu'un. À chaque époque et dans chaque endroit. Ce sont des choses impératives. Les musulmans, c'est vrai que des fois, regarde quand on réfléchit, les gens nous disent comment. Un musulman, il ne sait pas lire l'arabe. Un musulman, tu ne connais pas le Coran. Un musulman, qu'est-ce que faut dire la ilaha illallah. Je sais pas. Comment les musulmans? C'est des choses essentielles de la religion qu'on doit connaître. C'est le strict minimum. Ben ça fait partie des obligations à connaître. Quelqu'un veut rentrer dans l'islam? Voilà, moi j'ai entendu parler d'islam et je vois que tu es musulman, t'as l'air que t'es un musulman et tout ça. J'ai demandé que tu m'expliques. Il va poser une question sur ça, si tu lui réponds. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Et il va te poser des questions sur le Coran, il va te dire, dis-moi, il va te voir le Coran, j'aimerais bien que tu me récites le Coran, moi je sais pas lire l'arabe, tu vois, moi je suis un converti, je suis un chinois, je suis un français, je suis un portugais, je sais pas lire l'arabe, j'aimerais bien que tu me lises un peu le Coran. Ouais, mon frère, je sais pas lire l'arabe maintenant. Comment toi t'es un arabe musulman et t'es né dans l'islam, tu sais pas lire l'arabe? Il va s'étonner. Il va s'étonner. C'est pour ça, les frères, je dis à chaque fois, il faut faire l'effort d'apprendre. Le livre en français, c'est bien pour les débutants. On est nouveau, on ne sait pas, on lit un peu les livres en français pour avoir un aperçu. Tout de suite, on attaque la langue arabe. On attaque la langue arabe. Pour pouvoir lire le Coran en arabe, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le mettre en application. Pour pouvoir lire les hadiths, pour comprendre. Et comprendre, le mettre en application comme Allah, subhanahu wa ta'ala, le veut, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le veut. Et non pas comme le traducteur lui-même le veut. Parce que le traducteur, il faut voir de quelle tendance il est aussi. Ça se trouve c'est un traducteur chiite. Et lui il s'en fout, lui il fait ça pour le business, il fait ça pour l'argent. Ou par exemple, il ne le fait pas pour l'argent. Il le fait contre la da'wa sunniya, contre les sunnis. C'est-à-dire moi c'est pas grave. Je prends pas d'argent, je le fais fils à l'Illah. C'est comme ça qu'ils vont parler des gens. Je le fais fils à l'Illah, mais je vais traduire tout ce que je vais dire à les sunnis. Quelqu'un est sunni, il sent, il prend le billet. Hop, il rentre dans le chiffre. Pourquoi tu n'as pas de base? Et ça, ça fait partie de la aqida. Attention les frères, ça fait partie de la aqida. Les khawarij, comment ils sont sortis de l'islam? Les khawarij, comment ils sont sortis de l'islam? Ils sont sortis de l'islam, et le prophète il a dit Hum qu'il a abou jahannam, ce sont les chiens de l'enfer. Le prophète il a dit. Comment ils sont sortis de l'islam? Parce qu'ils sont sortis de l'obéissance de Ali, radiallahu anhu. Déjà de... Les Khawarij, ils ont commencé à apparaître à l'époque du prophète, ça, quand même. Mais ils étaient peu. Ils n'avaient pas beaucoup de force avec eux. Ils avaient le prophète, ça, quand même. Ils ne pouvaient pas s'amuser. Alors, ils ont préparé. Ils ont préparé. Les premiers à avoir désobéi au prophète, ça, quand même, c'est lors d'une razoua. Quand ils ont fait une bataille, ils ont ramassé le butin. Et le prophète, pendant l'ensemble, il a commencé à partager. Voilà. Tiens, toi. Il y en a un qui a dit, c'est leur chef, il a dit, Ya'dil ya Muhammad. Sois juste, ô Muhammad. Il n'a pas dit Ya Rasulallah. Il soit juste dans le partage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doute de la justice du prophète, le plus juste de toutes les créatures. Il doute de sa justice. Il a dit, Ya'dil ya Rasulallah. Sois juste. Donc là, déjà, le prophète, Allah, il lui a révélé des choses. Il savait, le prophète, que la fitna allait commencer. Il y a combien de hadiths comme ça qu'il dit, où le prophète s'en mentionne, il dit attention après ma mort, que vos redoutes n'est pas mécréant après moi, que chacun frappe le coup de son frère, c'est-à-dire qu'avec le sèche, tu vois. Combien de hadiths comme ça? Le prophète s'en dit ça. À l'époque, donc, le prophète s'en est mort, il y a eu Abou Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, khilafata. Après, il y a eu Omar. Omar aussi. À l'époque de Omar, là, ça a commencé à, wa alaykoum salam wa rahmatoullah, ça a commencé à bouger. Et le Khawarij, c'est une branche du chiisme. C'est une branche du chiisme. Omar, il a été assassiné. Othman, il a été assassiné. Et à l'époque du califat de Ali, ils sont carrément sortis. Ils ont rébellionné. Il a eu Mina Hada. Ce sont les mêmes. Le Khawarij, c'était à cette époque-là, c'est le même que cette époque-là. Il n'y a rien qui a changé. Les chiites d'autrefois, c'est les mêmes chiites d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui sont pires que ceux d'autrefois encore. Il n'y a rien qu'à changer. C'est la première bid'a qui est sortie. La première bid'a qui est sortie, qui a existé dans le monde islamique, c'est bid'a al khawarij. C'est le khawarij. La deuxième qui a suivi après, c'est le Mu'tazila. Le Mu'tazila, ils sont venus eux après un peu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le Coran, il est créé. je dis que le Coran il est créé, c'est pas il n'est pas créé. On a un alan min aqidati ahli sunnati wal jama'a wa aqidati salaf salaf que le Coran غير مخلوق كلامنا غير مخلوق que le Coran il est créé comme Allah subhanahu wa ta'ala est créé et sa parole est créée. Ils ont dit non, il n'y a pas ça. Ils ont dit que là il y aura Allah, on va pas voir Rabbi subhanahu wa ta'ala. Le jour du dernier les gens ont parlé, ils ne verront pas Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore Mu'tazila? Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala là il y a من السماء إلى السماء الدنيا إلى الأرض لا ينزل في الله سبحانه بخطا إذن بك الله ليس الفوق لا إلى السماء إذن بك دون الأطم يبقى de jouissance et de châtiment dans la tombe. Il y a beaucoup de choses et tout ça partie de la aqida. C'est pour ça que des fois pourquoi il faut apprendre sa aqida, très très très important. Quand tu veux apprendre ta aqida, n'importe qui va faire un bar devant toi ou il va monter sur le minbar, il va commencer à philosopher devant toi, tu vas savoir. Il est en train de faire attention. Et tu mets les gens en garde contre lui. Parce que c'est un fatal. C'est quelqu'un qui égare les gens. Il est déjà égaré, et il égare les gens. Tu veux ça, il faut qu'il ne sache pas. Après, bien sûr, il y a autre chose qui rentre. Est-ce que je vais le voir, je parle avec lui, je lui dis ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, peut-être que tu n'es pas au courant, mais voilà, les hadiths du prophète, c'est un salam, attention, etc. Si tu dis je suis au courant, mais ça c'est mon travail, ça me regarde, on sait jamais. Après, c'est entre lui et son Seigneur. Il y a des gens comme ça, il faut faire des lois contre eux. Hein. Une fois que la preuve est arrivée, attention les frères, justement, je pense que le but du dars aujourd'hui, une fois que la preuve est arrivée, tu vas expliquer et tout ça, mon frère, attention, regarde ça. Et lui, il est entêté. Il n'est pas assuré, il est entêté. Il reste dans son innovation, surtout quand c'est une innovation grave qui parle de Aqida. C'est bien grave, là. Comme le Hadash. Et tu parles avec eux, c'est comme s'ils viennent te rentrer dedans. Il ne faut pas parler avec ces gens-là. Alors, où Allah le guide, ou que Allah les enlève de la terre, qu'on se repose un peu. C'est tout, c'est comme ça. Pas de sentiment avec des gens qui font du mal. Tu fais des doigts pour eux pour qu'Allah les guide. Mais si Allah voit qu'il y a un bien dans leur cœur, t'inquiète pas qu'Allah va les guider. Ou alors si tu vois qu'il n'y a que du mal dans leur cœur. C'est l'obéissance, ça masse le fait d'écouter, donc ça revient même. Maintenant que vous avez un autre mot pour le traduire. Inna sam'a wa ta'ata li wulati umuri al-muslimin. Donc l'obéissance qu'on doit avoir au gouvernement musulman, c'est une des bases primordiales parmi les bases de la aqida de ses prédécesseurs. Une des bases primordiales. Illa an yakhluwa kitabun fiha min taqririhi wa sharhihi wa bayanihi wa ma dhaka illa li yuballigha li balaghi ahammiyatihi wa 'azmi sha'nihi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que cette chose-là, cette base-là qui est très très très importante, c'est rare de trouver des livres qui n'en parlent pas. La plupart des livres qui sont rapportés par les plus prédécesseurs, les ulama qui ont suivi le chemin des plus prédécesseurs, il n'y a pas un chapitre où ils ne parlent pas de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre très très important qu'il faut connaître. Est-ce qu'on va raconter encore, est-ce qu'on va vous ramener tout à l'heure, un petit peu en plus là? De fait, ce sont des choses tellement bizarres qu'on est obligé de les accepter si on se dit depuis prédécesseurs. Si on se dit suivre le chemin depuis prédécesseurs. Mais tout ça, on ne les accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on a nos sentiments, tu vois. On a nos sentiments. Voilà, tu vois. Mais l'islam, il n'avance pas avec les sentiments. Il n'y a pas de sentiments, l'islam. Il y a qu'Allah, qu'Allah, Rasoul, sallam. C'est tout. Des fois, il y a des choses qui paraissent pour toi. Je vais employer un terme que je n'aime pas trop employer. Logique et illogique. Des fois, c'est illogique dans ta tête. Mais pourquoi? C'est pas pourquoi. Il faut dire comme ça, Sahaba, ils ont dit, Samirna wa Atana. Voilà, on a parlé comme les Yahoud. On ne dit pas comme les Juifs qui ont dit, Samirna wa Asayna. Nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Non. Sahaba, des fois, ils ne comprenaient pas les choses. Le prophète leur a dit, faites ça. Ne faites pas ça. Ils faisaient ou ne faisaient pas. Et c'est après que la sagesse de la parole du prophète, tu vois, nous, on veut d'abord savoir, et après, on agit. Si c'est logique par rapport à notre tête, on fait. Si c'est pas logique, on ne fait pas. Mais c'est pas comme ça le chemin des prédécesseurs. C'est pas ça le chemin des prédécesseurs. Alors, encore, là, Inch'Allah, Inch'Allah, quand on fera les doros complets, Inch'Allah, on me ramènera plus de dalil, du Coran, des hadiths, et de la vie des prédécesseurs. Là, j'en ai pris quelques-uns, là, parce que je pouvais pas tout noter. Mais quand on sera en détail, on va tout détailler, tu verras, tu diras, subhanallah, tel sahabi, tel tabi'in, tel compagnon, comme ça, ils ont vécu à cette époque-là, ils ont supporté, et malgré ça, ils ont supporté. et ne fait pas partie des fils prédécesseurs celui qui ne suit pas le chemin des fils prédécesseurs. C'est clair. Comment tu dis, moi je fais partie des fils prédécesseurs? T'as une aqida, tu te dis, moi ça va une bonne aqida, mais ton chemin que tu suis, c'est pas ce chemin. Ali Belhaj. Ali Belhaj. Pour ceux qui connaissent Ali Belhaj, ou qui ont entendu parler de lui. Lui, avant les problèmes en Algérie, du fils, il était dans le droit chemin. Il était dans le chemin des pieux prédécesseurs. Aqida fait normal hajam. La aqida, il avait une bonne aqida, son chemin à se suivre, c'est le chemin des pieux prédécesseurs. Il a rencontré celui qu'on appelle Mohamed Sourour. Mohamed Sourour, c'est un Saoudien. Il s'est fait exiler, on dit. Oui, expulsé d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Pour ses idées anti-gouvernement. Il est allé en Angleterre et là, il a commencé à faire sa darwa. Il a commencé à prêcher son égarement. Là où on voit des frères d'Algérie, il leur parlait sur l'Algérie, sur les gouvernements de l'Algérie. Là, on voit des frères égyptiens, il leur parlait des gouvernements égyptiens. Là, saoudiens, soudanais, là où il voyait, il commence à faire ce darwa. Quand il a vu qu'en Algérie, ça commence à bouger en 87-88, il y a eu un réveil islamique, il s'est dit, tiens, je vais aller aussi mettre ma graine là-bas. Je vais semer ma graine. Il s'est rendu en Algérie, il a rencontré Ali Belhaj. Et il lui a détourné sa tête. Il lui a remonté. Il l'a saoulé, il lui a dit voilà ça. Et lui il a commencé à l'image. Quoi? Parce que le sentiment. Le sentiment, c'est normal, tu vas me parler avec les sentiments, tu vas me sarran, tu vas me chauffer et tout. Et je vais plus voir clair, je vais être aveugle. Et il l'a chauffé, à tel point qu'on connaît la suite aujourd'hui, ce qui se passe. Akhilba, il est resté sur la bonne aqida, le menhaj. Il a pris le menhaj des Khawarij. Et après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais le sacrifice, pour avoir une daoula islamique, il faut sacrifier. Qui est-ce qu'il faut sacrifier? Pourquoi il faut sacrifier? Qui est-ce qu'il a dit qu'il faut sacrifier? Il faut sacrifier dans le vrai, pas dans le faux. Tu fais d'accord avec toi? Mais dans le vrai, ça fait le faux, ça. Est-ce que le prophète, c'est comme ça qu'il a prêché? Est-ce que les compagnons, c'est comme ça qu'ils ont prêché? Et ceux qui sont venus après les compagnons, c'est comme ça qu'ils ont prêché? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmahullah. Soumya Cheikh al-Islam, il a été appelé Cheikh al-Islam de son époque. Toute sa vie, il a passé où? Il a passé en prison. Il a passé en prison dans une des prisons de Damas. Je l'ai vu, la prison, elle est encore là, la prison. Tu la vois, tu peux même pas te sauver. Tu vois cette prison comme elle, tu peux même pas te sauver. Même si tu essaies ou tu viens en aide, ouais, tu peux pas. C'est super qu'Alcatraz. Ça n'a rien à voir. Toute sa vie, il a passé en prison. Quand ça qu'il sortait? Il sortait simplement pour faire chauffer les foules. Par ordre de qui? Du gouvernement. Le gouvernement, il le faisait sortir et disait à Cheikh al-Islam, fais chauffer les foules pour qu'ils partent au djihad. Pendant une heure, deux heures, il chauffait les foules, hop, il repartait en prison, puis les foules, ils allaient combattre l'ennemi. La plupart de ces livres-là, il les a écrits en prison. La plupart de ces livres, ça les a en prison. Est-ce qu'un jour, il a dit au peuple, que le peuple l'écoutait, attention, hein, venez me faire sortir, on renverse le pouvoir, je deviendrai président. Jamais, il aurait très bien pu dire, bismillah. C'est fini. Tout est rasé. Mais c'est pas comme ça. Et une fois qu'il est mort, il est mort. Rahimahullah. Il est mort en prison. Tu vois? Je crois que c'est une. Et il n'y a pas que lui, il y en a plein comme ça. C'est juste un petit exemple. Donc il est venu, il l'a philosophé, il lui a détourné sa tête, ça s'est mélangé dans sa tête, il ne savait plus où donner. Ah! Il a suivi le chemin donc, qu'il ne fallait pas suivre. Les problèmes sont arrivés. Et si vous regardez, il n'y a pas un bled qui pense comme ça où il y a des problèmes. Va au Soudan. Va en Égypte. Va en Tunisie. Là où tu vas, et tu vois que les gouvernants ils sont comme ça avec les musulmans, c'est parce qu'il y a ce genre de problème-là. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Un chien, il a un os devant lui. Si tu le fortures, comment il va te sauter dessus? Et tu viens, tu le caresses, même là, ou là. Gentil, c'est normal, tu l'embrasses, tu prends l'os, c'est tout. Je dis pas qu'il faut jouer comme ça, on n'est pas en train de jouer. c'est bien de comprendre, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, ah ouais, donc on va agir comme ça. Non. Nous, on est toujours dans le droit chemin, et on y reste bien nul. Quand c'est qu'on sait qu'on sort du droit chemin, quand on sort des enseignements du prophète, ça, c'est tout. Mais comment? Comme les pieux prédécesseurs ont compris le message, attention. Pas comme ma nef, elle désire. Ah non, pour moi, c'est pas logique. Regarde ce qu'il est en train de faire pour les musulmans et tout ça. Il tue des musulmans. Mais il tue des musulmans. Ça veut dire que c'est un kafir, attention. Et on va le voir. Ça veut dire que c'est un kafir. Comment tu me dis ça? Regarde, c'est un musulman. Non, mais ça veut dire que c'est un kafir. Mais justement, sa logique à lui, c'est qu'il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Mais tant qu'il n'accepte pas, pourquoi il n'accepte pas? Parce qu'il n'a pas une bonne aqida. Il n'a pas une bonne croyance. S'il avait étudié sa aqida et qu'il était ancré dans son cœur et qu'il l'aurait accepté, il l'aurait accepté surtout, alors il serait que là-bas, c'est pas un kafir. Si bien sûr, il ne remplit pas les conditions du kufr. S'il remplit les conditions de kufr, c'est un kafir. Mais s'il ne remplit pas les conditions de kufr, même si il tue des musulmans, c'est pas très très clair dans vos esprits, mais ça va s'éclaircir, Inch'Allah. On continue. Donc, dans la plupart des livres, surtout de l'Aqida, de Manhaj et tout ça, tu vois ce chapitre-là qui est l'obéissance au gouvernement. Pourquoi? Parce que pour l'importance que c'est dans l'Aqida. Mais en plus de ça, بالسمع والطاعة وكذلك بإيصاص الغوزرنا لهم تتنظموا مصالح الدين والدنيا معا كنت أبيه الغوزرنا تجن دو شوز تجن لسوفغارد دو لا رليجون تجن لسوفغارد دو لا في لا في دو تولي جور كتو في تجن توك سيكوريتي سيكا لا رليجون ما تجن فا توك سيكوريتي وسي بار إزامب تجن توك سيكوريتي ما تجن لا رليجون t'as la religion, mais t'es pas en sécurité, toujours khaïf. T'as la sécurité, t'es tranquille, mais t'as pas la religion. Quelle vie? C'est une vie, ça? C'est une vie. Il faut avoir les deux pour être bien dans sa tête. Donc on a dit, din wa dunya ma'an. Wal bil ijtiyaz 'alayhim qawlan wa fi'lan fasad ad-din wa ad-dunya. Mais en désobéissant, que ce soit par la parole ou par les actes, alors ton dîme est bien, et puis tu seras plus en sécurité. Quand on regarde le cas de l'Algérie, parce que c'est le cas où on connaît tous, mais il y a d'autres cas comme ça. Il y a d'autres cas. Regarde la Tunisie. C'est avec une petite Tunisie. Inch'Allah que Allah soit là, alors il y en a des musulmans de Tunisie. Tu vois? Ce sont nos frères, ce sont nos frères. Ben, ils ne sont pas en sécurité, et ils n'ont pas de religion. Tu me diras, l'Algérie, c'est la même chose. Ils sont pas en sécurité. Ils sont pas en sécurité. Et la religion commence à se perdre. Ou bien on veut bien nous faire croire que la religion est, ou on veut bien nous faire accepter des choses de la religion. Mais quoi, les choses des soufis? Les chants religieux, ou bien le mausolée, là, avec les coupons, ou bien le retour des adorations des tombes. Ou je te gorge pour le Wali Foulan, c'est des Foulan. T'as besoin de ça? Je préfère rester dans l'ignorance que de faire du shirk. Au moins, peut-être que l'on pourra me pardonner parce que j'étais ignorant. C'est bon. Par rapport au gouvernement, il y a une chose, vu qu'est-ce qu'il prend dans le coffre. Oui. S'il prend dans le coffre, il n'y a plus d'obéissance. Il y a une autre obéissance. Même notre obéissance, même s'il tombe dans le kufr, tant qu'il ne t'ordonne pas de toi de faire du haram ou de tomber dans le kufr ou de faire le martyr. Je te donne un exemple. On est en France, on vit en France. Tu vis sous les lois françaises. Tu ne les acceptes pas forcément avec ton cœur, surtout celles qui vont à l'encontre du Coran et de la Sunna. Ceux qui ne vont pas à l'encontre du Coran et de la Sunna, c'est ce qu'on appelle les dames. C'est une organisation. Pas de problème. Si maintenant il y a une loi qui te dit de faire du kufr, de tomber dans le kufr, ou bien de tomber dans une marfia, c'est-à-dire de boire de l'alcool, ou de faire du zina, ou tu vois, des choses comme ça, là tu ne dois pas obéissance. Mais tant qu'il ne te dit pas de désobéir à Allah et à son prophète, tu lui demandes une chose, peut-être t'inquiète à lui. Il faut bien comprendre ces choses. Et ne pas tomber dans le piège de certains qui ont dit pas besoin de papier, j'ai pas besoin de passeport, j'ai pas besoin de carte d'identité, j'ai pas besoin de contrat de mariage. Pourquoi? Parce que ça, c'est une dame qui a le coffre. Ça, c'est le coffre, pas besoin de ça. Ils sont tellement loin, ils ont recherché la petite bête comme les juifs, que les feux rouges, ils s'arrêtent pour feux rouges. Ben oui, parce que tu dis, c'est une dame. Feux rouges, qui c'est qui les a mis? C'est Kaffer. Ah, la bêtise. À quel point, mais ça c'est pour rigoler un petit peu, hein, ça c'est une histoire qu'on raconte. C'est pour rigoler un peu, hein. Je sais même pas si c'est vrai, ça se trouve, ça peut être vrai. Si les gens racontent, c'est que ça peut être vrai. Wallah, il te dit une fois, il y a comme ça un groupe de takfirines, ils sont allés jouer au foot, ils ont joué, et sur la surface de réparation, l'autre il l'a taclé et il a fait mal. L'arbitre il a sifflé le pénalty, il a dit non, pas de pénalty, coup pour coup. C'est pour rigoler, mais en vérité, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Ça n'existe pas pénalty. Ça existe coup pour coup. Il m'a mis un coup, j'y mets un coup. Donc, tu vois? Il y a aussi la monarchie. On peut avoir comme gouverneur un roi. Comme gouverneur un roi. Il n'y a pas de monarchie en islam. Ouais, il n'y a pas de monarchie en islam. Mais il y a une démocratie, mais pas une démocratie comme on la connaît ici. Parce que qui c'est qui va nommer le calife? C'est les musulmans. Celui qui demande le calife par lui-même, on ne lui donne pas le prophète, ça c'est la vie. Celui qui la demande, on ne lui est pas remis. Mais qui c'est qui va juger? C'est les musulmans. Ils connaissent par exemple la film, ils savent que c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de... Les savants et Shéab en même temps. Ils connaissent de lui que c'est une... Parce que qui c'est qui connaît la personne? C'est celui qui vit au milieu d'elle. Les savants, bien sûr. Pourquoi? Parce que ils ont ce qu'on appelle le Barsira, ils ont la sagesse, ils ont la vision des choses plus loin que leurs yeux, tu vois, plus loin que leur nez, ils voient. Ils... Si les conditions sont acquises, ils y sont remis. Et attends, on va aller encore plus loin. Il y a un hadith que j'ai découvert quand j'ai fait ces recherches-là. Il te dit que celui qui prend le pouvoir par la force et qui se dit un ami de l'ennemi, on lui doit obéissance. C'est pas la vérité, des fois il y a des choses qui sont illogiques. Il prend le pouvoir par la force, il se dit Amir al-Mu'minin, on lui donne obéissance. Inch'Allah, quand on fera tout ça avec tafsir, avec bien, tu vois, détail par détail, on comprendra mieux. Donc on continue. وَقَدْ عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا دِينَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ. Les ulama, qu'est-ce qu'ils en ont déduit? Les ulama, ils en ont déduit qu'il n'y a pas de din, il n'y a pas de religion sans jama'a. Yadullah, ma'a al-jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala avec le jama'a, avec le groupe. T'es pas le groupe, il est là et toi t'es tout seul là-bas. Il dit non, eux ils obéissent à ce gouvernement, ils savent un gouvernement de kafir et ceci, cela. Ou moi je l'obéis pas et je sors du groupe. Non, le prophète en a dit que celui qui meurt dans ces états-là, il meurt. Maitatil Jahiliya, d'une mort pré-islamique. Non, tu restes avec le Jama'a. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a dit donc, illa bi Jama'atin. Wala Jama'ata illa bi imama. Il n'y a pas de groupe sans califat. Et, subhanallah, sauf Akhwal al-Ulama. Pourquoi quand je dis que l'Ulama, ils voient plus loin? Ça, c'est Akhwal al-Ulama. Ils en ont déduit tout ce qu'il y a. Comme verset, comme hadith, et si on en déduit, ils ont déduit cette parole-là. Regarde aujourd'hui la communauté de l'islam, la communauté des musulmans. Les musulmans sont rapides de tous les côtés. Là où tu vas, les problèmes des musulmans. Là où tu vas, les problèmes des musulmans. Là où tu... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de calife. Ils n'ont pas de calife, ils n'ont pas de mir, le mu'minin qui leur dit fait ça. Ils n'ont personne qui gère l'islam. Ah oui? Voilà, imamata, il a dit semaine ou ta'at. Et il n'y a pas de califat sans obéissance. Voilà, il y a un califat, mais personne ne l'écoute. C'est l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. Non, moi je ne l'écoute pas. Il dit lui. Qui c'est qui se dit lui? C'est pas lui qui s'est prononcé. C'est les savants, ils ont fait table ronde et ils ont déduit qu'on lui devait obéissance. On lui doit obéissance. Tu veux ou tu veux pas. Okay. Ah, vous avez tous, là? Masha'Allah. Hein? Là, ça commence à... Non, mais tu vois, on enregistre, on passe. Bah, le frère, il n'était pas sur la cassette, Inch'Allah. Arrête un petit peu, nous, c'est pas ça. Ça, c'était un petit aperçu des gouvernants. Maintenant, pour pouvoir comprendre ce que j'ai dit là, on va rentrer donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle le tekfir. Ça, on a parlé en gros des gouvernants. Maintenant, on va parler de tekfir. Pour pouvoir leur obéir, il faut savoir, est-ce qu'ils ont ces conditions? Ils n'ont pas ces conditions d'obéissance. S'ils ont ces conditions, est-ce qu'on leur obéit? Et à quel moment on les désobéit, etc. C'est justement ce qu'on va voir maintenant. On est comme cela, on va voir. Et tekfir, c'est quoi tekfir? On est comme cela, on تكفير premièrement c'est حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. Tu peux te faire directement sur une mosquée. Merci Kabarak. Donc on a dit التكفير c'est quoi? C'est حق الله. Qui c'est qui dit que un tel est kafir? Ou qui c'est qui dit que un tel est mushrik? Ou qui c'est qui dit que un tel est munafiq? Ou qui c'est qui dit que un tel est mu'min? C'est Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Rapprochez-vous plutôt. La sunna c'est de se rapprocher et non pas de s'éloigner. Allahumma zidna ilma. D'accord. Ça c'est le droit d'Allah et de son prophète. Si Allah subhanahu wa ta'ala a jugé qu'un tel est les kafirs, ou un tel est les hypocrites, ou un tel est les polythéistes, ou un tel est mu'min, c'est pas toi qui va décider. Tu vois une personne qui dit « Ah, d'un kafir, ou d'un mushrik, ou d'un mujrim », comme on entend des fois des gens dire ça. Pourquoi tu as fait une petite faute ou la haja, ah, je suis le kafir? Très très grave. Donc on a dit que le tekfir c'est quoi? C'est حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète peuvent dire qu'un tel, un tel. Et le prophète, comment il va le dire? Il va le dire par ignorance? Non, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui enseigne et qui lui enseigne les conditions. Une fois que ces conditions sont là, là après tu peux dire oui, c'est un kafir. Ce qu'on appelle kufr al-bawah. Le kufr al-bawah, c'est le kufr évident, apparent, ça y est, il t'a fait voir que c'est un kafir. T'as fait voir que c'est un kafir. Quand si tu dis que c'est un kafir, c'est un kafir. Et si tu me le prouves, effectivement. Il y a quelqu'un qui est innocent parce qu'il est en train de boire de l'alcool ou de la haja avec lui. Ah, ça c'est un désobéissant. Et mais l'aqida de l'Ahl Sunna wal Jama'a et dans la croyance des pieux prédécesseurs, dans le kafir sahib al-kabira, celui qui fait un grand péché, ce n'est pas un kafir. C'est un grand péché. Ce n'est pas un kafir. Donc on a dit التكفير حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا يجوز لمسلم il n'est pas permis à un musulman أن يكفر مسلما de dire à un autre musulman أنت كافر إلا إذا ورد هذا الكفر في القرآن والحديث الصحيح. Sauf à quel moment tu pourras dire ça? Si tu as une preuve tirée du Coran et de la Sunna. Quelle Sunna? Quel hadith الصحيح? Parce que je peux que tu tombes sur un hadith mordou ou bien un hadith ba'if, là tu ne peux pas prendre sur ces choses là. Tout ce qui touche l'aqida et l'ahkam, tu n'auras pas le droit d'utiliser le hadith da'if. Il faudra que tu utilises le hadith sahih. Le hadith sahih qui dit que un tel est kafir ou pas? Oui. Tu trouves le hadith da'if qui te dit un tel est kafir? Non. Donc le Coran, dalil min al-Quran, wa dalil min al-hadith sahih. D'accord. Donc on a dit من القرآن والحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم حسب فهم السلف الصالح. Et comme les pieux prédécesseurs l'ont compris. Pourquoi? كالصحابة والتابعين لأنهم أعلم بهم ومنا من القرآن والسنة. Pourquoi? Parce que ce sont eux les pieux prédécesseurs, les compagnons, les tabi'ins, les tabi'ins, وكل من سار على نهجهم إلى يومنا هذا. Et tous ceux qui ont suivi ce chemin jusqu'à nos jours aujourd'hui, ils sont plus savants que nous. Le sahabi est plus savant que toi. Le tabi'i est plus savant que toi. Le tabi'i est plus savant que toi. Et ainsi de suite. Et plus les époques ils avancent, et plus les gens ils sont plus savants que nous. Par exemple, à l'époque de Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, tous ces grands savants-là, ils étaient savants par rapport à notre époque, nous. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, à Adabil Mankamat Anna, même si demain je commence à étudier à fond, je ne serai jamais plus savant que Cheikh Al-Uthaymeen ou la Cheikh Ben Baz ou la Cheikh Al-Albani. Mais ceux qui vont venir après moi, ils ne seront jamais plus savants que moi, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? une bouche Anna, c'est pour dire moi, hein, c'est simplement pour vous donner un exemple. Par exemple, les professeurs de Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Ibn Baz. Leurs professeurs, ils sont plus forts que Cheikh Ibn Baz en science. Donc, des fois, dans des domaines, ils sont plus forts. Mais en général, on parle au nom de la généralité. C'est comme ça. Et chaque époque, pourquoi ? Parce que la science, elle diminue au fur et à mesure que tu avances dans le temps. Elle diminue. Et elle diminue comment ? Avec les morts des savants. Par exemple, quand tu regardes Cheikh Ibn Baz, qui a plus de 90 ans, quand tu regardes, par exemple, Cheikh Ibn Bani, qui a plus de 85 ans, la Cheikh Ibn Bani, il est malade. حفظه الله ونفعه الله به المسلمين tu vois, il est très très malade. En fait, lui, il a une compréhension des choses que quelqu'un d'autre n'a pas. Le jour où il va mourir, il va mourir à sa compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il demande demain ses élèves, Cheikh Ali Hassan al-Halabi, Abu Malik, Ibrahim al-Shaqra, leurs grands élèves, ils vont venir, ils n'ont pas la compréhension de leur shir. Ils vont comprendre des choses, mais ils n'auront pas la compréhension que Cheikh Ali avait, et ainsi de suite, c'est comme ça. D'accord ? Donc pourquoi on a dit qu'il faut prendre le Coran et la Sunna comme le fait les salafs et les salihs, que les sahaba et les tabi'in, parce qu'ils ont appris du fahm, yani du fahm du Coran et de la Sunna, min ghayrihim. C'est normal, ils voient la révélation, elle descend. La révélation descend et que le prophète au fond directement leur explique. C'est normal qu'ils connaissent mieux que nous. Nous, on a vu que le hadith il arrive et qu'il est sahih. Bah, des fois, on me dit, mais attends, j'arrive pas bien à comprendre ce qu'il a voulu dire le prophète. On dit que là-bas, ils sont avec le prophète, il leur explique voilà ce que ça veut dire, ça et ça. Un exemple, quelqu'un va te parler du taïmoum, tu sais pas voir comment ça le taïmoum, est-ce que tu vas savoir? Explique-moi, c'est quoi le taïmoum? C'est mort. Ah, mais moi, je sais pas, je connais le taïmoum, mais je sais pas le faire. Bah, tu restes ignorant, même malgré qu'il t'a expliqué. Mais le taïamon, voilà, il va t'expliquer, tu fais ça, etc. Le mouvement, là tu comprends. C'est pareil, le prophète va m'expliquer directement les versets. C'est normal qu'il les rencontre. Donc c'est pour parler du tekfir. Maintenant on va voir en détail. Le kufru, il y a un qasimu, il y a un qasimu. Le kufru, la méfiance, ça se divise maintenant en deux. Il y a aussi encore deux catégories de kufru. Il y a ce qu'on appelle le kufru i'tiqadi. Le kufru avec le cœur, à la croyance. Et c'est celui-là qui fait sortir de l'islam. Hein? Il y a le kufr al-i'tiqadi ou le kufr al-amali, le kufr par les actions. Et dans le kufr al-amali, il y a aussi deux catégories. Il y a celui qui va te faire sortir de l'islam et celui qui ne va pas te faire sortir de l'islam. Mais quand on va arriver à cette catégorie-là de kufr al-amali, on en parlera. Là, on va parler d'abord du kufr al-i'tiqadi. Le kufr, donc, par la croyance, le cœur. C'est qui ? Huwa alladhi yukhriju sahiba الصاحب من الإسلام هو الذي يخرج الصاحب من الإسلام الكفر c'est celui qui va faire sortir la personne donc désignée de l'islam. Quand رجل يعتقد أن حكم الله غير صالح للعاصر الحاضر un homme il te dit que le حكم بالقرآن c'est pas valable dans notre époque et il pense réellement avec son cœur il dit non, le Coran on n'en a pas besoin. Pourquoi tu lui poses la question? Tu dis parce que pour notre époque, c'est pas valable. Ça, c'est un kafir. Ça, c'est un kafir. On continue. Si jamais vous avez des questions, quoi, vous les préparez et on reviendra après dans chaque chapitre si besoin. Donc, on a dit quoi? Celui qui te dit que حكم الله غير صالح للعصر الحاضر أو أنه صالح لكن فيه نقص. Ou bien une autre façon. Il te dit oui, non, il n'y a pas de problème. Hein. Le Coran, je l'accepte, mais il n'est pas parfait. Il y a des choses où il faut revenir dessus. C'est un kafir. Ça, c'est un kafir. Il accepte certaines choses, et puis il n'accepte pas d'autres. Comme le Yahoud. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran ? Atu'minu la bibar del kitab, wa takfuru la bibar. Vous croyez en une partie du livre, et vous me croyez à l'autre partie. Ou bien, un autre exemple encore, il y a des lois qui doivent être abolies. Des lois qui doivent être abolies. J'accepte, mais il y a des lois que je n'accepte pas. Un exemple, qui est comme couper la main à un voleur, ou bien rajmiz zan el mahsin, ou bien lapider l'homme marié qui a fait zina. Je te dis, non, je. خليفة قبل الله on a fait un homme qui fait zina. Regarde, le vol il existe jusqu'à aujourd'hui. S'il y avait eu des mains qui avaient sauté à droite à gauche, le vol serait diminué. Zina, à tel point qu'on entend des fois la pédophilie et puis tous ces trucs là, Abdoubillah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Hukm Allah qui est arrivé. J'ai pas le temps, mon art des femmes, je vais sortir en chemin. Je l'ai à la Koulihal en français, la punition exemplaire. La punition exemplaire, ce qu'on appelle la punition exemplaire, c'est une punition qui se fait devant le chab, devant le peuple, devant les gens. Si quand il y avait eu des mains qui étaient en plein public, qui avaient sauté, ou bien des lapidations en plein public, devant, tu vois, ou bien des coups de tête, ou des... Ah, ben je te promets que tu verras les gens comment ils étaient armés. Je te promets qu'ils vont flipper. Je dirais, non, je ne sais pas, ça m'arrive, moi. Même s'il le fait, parce qu'il peut être simple, il le fait, mais il prendra ses précautions. Crois-moi qu'il va le faire, mais il va prendre ses précautions. Mais tu ne verrais pas la drogue qui circule, tu ne verrais pas la prostitution, tu ne verrais pas de pédophilie, tu ne verrais pas des vols, tu ne verrais pas de ce truc-là. Ou bien quand, par exemple, Qatl al-Nafs bin Nafs, quelqu'un a tué quelqu'un, règlement de compte. La loi du talion. C'est quoi, c'est la loi du talion? Bien sûr qu'il y a la loi du talion en Islam. Mais c'est pas toi et moi qui allons la faire, la loi du talion. C'est les juges. Une fois qu'ils auront jugé, là, ils vont te dire oui ou non. Et en plus de ça, si par la famille, elle pardonne. Parce que la FO, c'est encore mieux le pardon. Si la famille, elle pardonne, elle dit non, bon, d'accord, il a tué, mais moi, je le pardonne. Je le pardonne dans le dunya, mais hisabou alallah. Mais c'est là qu'il décide après. Lui, il sera récompensé d'une grande, grande récompense, celui qui a pardonné. Mais après, c'est entre son créateur. C'est pas parce que toi, tu as pardonné que Allah, forcément, va pardonner. C'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, nous, on dit, ouais, nasmeh alek. Alors, tu crois parce qu'un anas merveille, qu'Allah va te pardonner? Après, ça entend entre toi et ton Seigneur. Mais moi, je sais que par l'intermédiaire de ce pardon-là, je vais augmenter de degré en degré, Charles, subhanallah. Et c'est ça le but recherché.